Dans nos têtes, c'est un merdier pas possible. Fais pas le gars docile, t'es dans un climat hostile. L'état ose dire que c'est notre faute. Si les carreaux te brisent, y'a trop d'écart et trop de dégâts. Moi tôt ou tard, faut que je brille. Je prends mon temps et les étapes, faut pas que je grille. Je veux des euros, des pieds, des tasses, mais sur les toits, faut pas que je le crie. C'est pas que je trime, mais j'aimerais stopper mon taf de merde pour profiter de la vie et pour faire croquer mes partenaires. Je brasse de l'air, l'impression que personne m'écoute. Je suis sur les nerfs comme au collège quand sonnait l'heure des cours. C'est le dégoût qui me pousse à écrire. Je me fous de faire le tour de l'Amérique et du discours de la mairie. Y'a pas de mérite, la vérité est à la dérive. Je suis jamais sans emploi, car quand y'a pas de travail, je travaille mes rimes. On fait du mieux qu'on peut, et les darons sont sceptiques. Il est temps que toutes nos occasions se concrétisent. Tiraillés entre le bien et le mal, quand rien ne va, j'ai le cahier, et après la tempête revient le calme. On fait du mieux qu'on peut, et les darons sont sceptiques. Il est temps que toutes nos occasions se concrétisent. Tiraillés entre le bien et le mal, quand rien ne va, j'ai le cahier, et après la tempête revient le calme. En ce moment je cours partout, je cherche la bonne voie. Faut que je profite car j'ai le vent dans le dos comme à l'école de voile. J'ai comme devoir de pas décevoir mes proches. Loin d'époque où je disais que j'ai pas de leçons à recevoir des profs. Faut que je fasse mes preuves donc j'ai écrit le jour la nuit. Mais je me mêle pas de ce qui me regarde pas comme font les journalistes. Faut que je fourre la vie mais la vie me crève. J'ai mon taf H24, pas de préavis de grève. Je réalise que je rêve trop et les valises que je traîne ne pèsent pas lourd, j'ai pas grand chose et c'est ça qui me stresse. C'est à dire que je crèche à droite à gauche depuis enfant. J'ai fait des conneries donc j'en veux pas à ceux qui en font. On s'enfonce et la jeunesse on l'arrête plus. Mais les critiques me donnent de l'énergie comme un vodka Red Bull. On fait du mieux qu'on peut et les darons sont sceptiques. Il est temps que toutes nos occasions se concrétisent. Tiraillés entre le bien et le mal quand rien ne va, j'rappe le cahier et après la tempête revient le calme. On fait du mieux qu'on peut et les darons sont sceptiques. Il est temps que toutes nos occasions se concrétisent. Tiraillés entre le bien et le mal quand rien ne va, j'rappe le cahier et après la tempête revient le calme. Ici on est quasiment tous au bord du ras-le-bol. Mais j'suis content quand j'entends dire qu'Arna a fait un pur album. Sans donner ses seufs fidèles à son train de vie dans plein de villes, mon son tombe. Que je suis en train de te dire, j'avance tranquille, tant qu'il me reste des forts, j'enquille les sons. Si ça marche pas, tant pis, je ferai l'effort. Ce que je fais fort, je caractère, les gars adhèrent pas par intérêt, c'est pas par hasard. Dans le rap, j'ai atterri, pas assez riche pour me permettre de boycotter le taf. Donc je galère et ceux qui sont de mon côté le savent. Mais ça va, t'inquiète, on n'est pas à plaindre, merci. Si tu vois l'argent et la chance, dis-leur me faire signe. On fait du mieux qu'on peut, et les darons